C'est la rentrée, donc je vais faire l'appel. J'espère que tout le monde est là. Clément, Julie, Rook, Joël, les deux copines des États-Unis, Marie, Pascal. Bon, allez, on arrête parce que maintenant c'est showtime. Bienvenue à tous, cette nouvelle saison de la saga des Fab Four. Voici Paul McCartney en concert pendant une heure, rien que pour vous. De la saga des Fab Four, Paul McCartney en concert pendant une heure seulement, puisque c'est de 21h à 22h. Je vous suis sur Facebook, sur yellowsub.fr et sur macaclub.com. A tout de suite, les amis. Paul McCartney en concert, et là c'est en 2007, On My Best Secret. I saw her standing there, surérigée. Tell you what, most of the songs we've done this evening have like been released in one form or another. Just for a change, you fancy hearing one that hasn't been released yet? Et là, il dit que les chansons qu'ils ont jouées étaient des chansons déjà connues, et puis là, ils vont en chanter une qui n'est pas encore connue. Sauf que depuis le temps, elle est drôlement connue. And it's called Coming Up. Voici Coming Up sur RDJ. L'Amérique et l'Angleterre nous ont rejoints puisqu'il y a Edgar en Floride qui est à l'écoute de la saga. Et également Lovely Rita depuis Londres si vous voulez tout savoir sur les Beatles. Et regardez le Beatles Magazine sur Facebook, sur Twitter, sur... il y a plein d'autres, sur Google+, voilà. Vous faites ça et vous saurez tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur les Beatles et sur ceux qui aiment, ceux qui animent des émissions sur les Beatles. Écoutez et regardez les pages de Lovely Rita et du Beatles Magazine. C'est un conseil. Pas les temps forts, comme vous pouvez le constater. En 1979, il avait un robot sur scène. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et là, on l'entend, mais la chanson suivante n'a aucun rapport. Donc, je couvre avec ma voix jusqu'à ce que ça arrive, puisque nous passons de 1979, cette version de Coming Up, à 2007, avec une version plutôt sympathique de Sea Moon, maintenant sur RG. I want to say hello to Michael Honorato, my friend from New Jersey. Singing in the dead of night. Take these open eyes and learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You're only waiting for this moment to arise. Singing in the dead of night. Won't you take these sunken eyes and learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free. Well, you were only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. Nous revenons en studio, juste quelques secondes, le temps de vous dire que j'aime beaucoup l'interactivité qu'il y a entre vous et moi ici au studio, parce que sur Facebook, par exemple, José Maria a marqué dans le groupe La Saga des Fab Four que ce jour, le 3 septembre 1964, quelle belle année, il y a donc 50 ans pile, j'en sais quelque chose, eh bien les Beatles jouaient au golf à Indianapolis, et plus tard, ils jouaient au Stade Fair Coliseum. Eh bien ça, je l'ignorais, je n'avais que quelques mois en septembre 1964, quelle très très belle année. Et donc merci de me l'avoir dit. Voilà, on reprend la suite du concert de Paul McCartney qui est venu exprès ici à Bordeaux dans les studios de la radio pour vous proposer un live juste pour vous, les auditeurs de RIG. Thank you. Mais dans les... I've got a feeling sur RIG en version acoustique. Got a feeling deep inside. Ooh yeah, ooh yeah. I've got a feeling I can't hide. Oh no, ooh, oh no. I got a feeling. Oh, please believe me, I'd hate to miss the train. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. And if you leave me, I won't be late again. Oh, no. Train. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. But if you leave me, I won't be late again. Oh no, ooh, no, no. I got a feeling inside. Got a feeling, yeah, that I can't hide. Got a feeling. Et maintenant, Eric Clapton monte sur scène, et pas que lui d'ailleurs, je pense qu'ils vont rendre hommage à au grand copain de George Harrison. Oh oui, Eric Clapton aussi était un grand copain. Écoutez. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. Well, you know I'm leaving now. You're asking me who my love for. I don't know. I don't know. Well, you stick around now, it may show. Cet extrait, bien entendu, je reviens en studio quelques secondes pour vous dire que cet extrait du concert for George en 2003, le concert que j'aurais aimé, auquel j'aurais aimé assister, parce que là, la pléiade de vedettes, en plus que des amis de George Harrison, et lorsque McCartney reprend Something sur scène, au départ il dit, lorsqu'on va chez George Harrison, il y a toujours un ukulélé qui traîne, et il aimait bien qu'on en joue, et puis il m'avait montré comment jouer ukulélé, comment jouer Something au ukulélé. Et là, pour le concert pour George, il a eu l'idée de faire le mix entre ce qu'il faisait sur scène, McCartney, donc toute la chanson au ukulélé, et puis une partie de la chanson au ukulélé, et puis la version d'origine, avec en plus Eric Clapton, c'est ce qui ajoute une majesté à ce titre-là, qui, je le dis tout le temps, montre à quel point George Harrison, sur ces moments-là, avec Something, avec While My Guitar Gently Weeps, arrivait à la hauteur, avec Here Comes the Sun aussi, arrivait à la hauteur de ses amis John et Paul. Fantastique. J'adore cette chanson. Et Paul, maintenant, qui revient sur scène après avoir bu un coup, c'est bizarre, parce que jusqu'à présent, il ne buvait jamais sur scène. On ne sait d'ailleurs pas comment il fait. Mais là, il revient sur scène, et je pense que ça va péter fort. Voici Live and Let Die, sur-RG dans la saga des Fab Four. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, to live or let die. J'ai horreur des pétarades. C'est le moment le plus pénible pour moi du show de Paul McCartney. Mais là, à la radio, pas de problème. Ça passe tranquille. Et au contraire, j'adore. Vous êtes bien sur RG 90.7. Hélas, encore seulement 29 minutes d'émission. On fera mieux la prochaine fois, on fera 1h30 la semaine prochaine et dans 2 semaines, on refera à nouveau, enfin, les 2 heures d'émission. J'ai mes programmations un petit peu justes ces derniers temps, donc je vous assure, je fais ce que je peux. Voici Paul McCartney encore et toujours en live, extrait de Back to the World, Back in the World, pardon, en 2003, avec cette chanson. You say yes, I say no. You say stop and I say oui, oui, go, go, go. Allez, vas-y, Paul. With you. day I lean on a lamppost, I'm wasting my time. Every night I lay on a pillow, just resting my mind. Every morning brings a new day. Just wanna stay, be with you, and be with you. Aussi rendre hommage à sa première femme Linda avec cette chanson, cette belle chanson d'amour, My Love, sur RG. I know my heart can stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love. And my love does it. Understood. It's everywhere with my love, and my love does it good. Whoa, whoa, whoa. My love does it good. Oh, I love. Paul McCartney avec sa voix la plus fantastique en 1976 sur l'album Venus and Mars. Figurez-vous que je n'arrive plus à vous joindre sur Facebook. Facebook a sauté ici à Bordeaux. Alors je pense pas que ce soit à cause du trop grand nombre de personnes sur Facebook sur la saga des Fab Four. Sait-on jamais ? Sait-on jamais. Mais sinon, eh bien, on se parle par le biais de la radio, c'est déjà pas mal. Il y a toujours aussi yellowsub.fr qui est ouvert et macaclub.com. Voici Venus and Mars, Rock Show et Jet. Et on terminera peut-être sur une autre chanson, si vous êtes sage. Sitting in the stand of the sports arena, waiting for the show to begin. Red lights, green lights, strawberry wine. Good friend of mine follows the stars. Venus and Mars are all right tonight. We'll Merci Paul McCartney. Et il y a une panne mondiale de Facebook à la rentrée de la saga des Fab Four. Oui, on se sent très très bien Paul. Allez, la dernière chanson, c'est en live. Good night tonight everybody. Et bien voilà, c'est déjà fini. Il ne reste plus à Paul qu'à reprendre sa guitare avec ses copains et à faire 1, 2, 3, 4. Merci d'avoir fini, d'avoir suivi cette émission. Et puis, vous avez vu la magie de Paul McCartney. Facebook avait fait un crash mondial. On passe Good Night Tonight en live et Facebook revient. Merci et regardez, regardez la nouvelle année, la 31e année. Il est 22h, je rends l'antenne maintenant. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine à 20h30 pour de nouvelles aventures. Je vous laisse en compagnie de Eric qui est franchement le meilleur et qui va vous parler du meilleur, du boss de Johnny Hallyday. À très très bientôt. Have a nice night everybody in the USA or anywhere. See you next time. Bye bye. Peace and love, comme dit mon ami Mike Honorato du New Jersey, et à très très bientôt. Ciao. Alors.